La position sociale et le rôle des femmes coréennes étant rehaussés au fil des jours, rien que ces dernières années, une centaine de femmes sont élues députées à l'Assemblée populaire suprême et plus de 3500 femmes sont devenues héroïnes et titulaires des titres d'honneur et des titres académiques et universitaires.